أشراط الساعة les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته la semaine dernière on a parlé de al mahdi Muhammad fils de Abdullah Muhammad ibn Abdullah c'est qui c'est al mahdi et al mahdi comme on l'a précisé lors du dernier cours n'est ni un homme politique ni un acteur ni une star je dis cela simplement pour répondre à des gens qui ont un peu divagué concernant ici Ashrat al-Sa'a al-Kubra, les grands signes de la fin des temps. Nous, on se doit de se contenter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, ainsi que le prophète Muhammad alayhi afdalus salatu wa taslim bi fahmi salafil umma, avec la compréhension des ancêtres pieux, tout simplement, pour pas divaguer. Amma a'taqidu, adhunnu, ara, je pense, je vois, je crois, mon avis, on doit les mettre de côté et surtout, concernant ici le monde invisible, d'accord ? On doit s'en tenir au Coran et à la Sunna, c'est-à-dire ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné comme renseignement, d'accord, concernant al-mustaqbal, al-ghaib si tu veux, le futur ou le monde invisible. Pourquoi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ? Car Allah azza wa jal a rappelé que huwa alladhi la yantiqu 'anil hawa, ne parle pas poussé par sa passion, mais quand il parle c'est avec wahi, avec révélation. De même, nous allons parler de al-masih ad-dajjal, le faux messie ou bien l'antéchrist. On n'a pas le droit, d'accord, et là je coupe court aux interrogations, d'accord, de ceux qui disent est-ce que ici tel prédicateur, je ne veux pas citer de nom, mais beaucoup vont savoir de qui je parle je pense, a raison quand il interprète la venue de al-masih ad-dajjal par certains événements qui se sont passés ces dernières années. Nous disons, ayyuhal ikhwat wal akhawat, on n'a pas le droit d'interpréter, de rentrer dans ce qu'on appelle le ta'wil, l'interprétation. C'est la même chose ici qui a causé la perte de certaines sectes égarées concernant al-asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Je m'exprime et je m'explique. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs. D'accord ? On doit reconnaître et croire ici à tous les noms d'Allah Azza wa Jal et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala cités dans le Coran et dans la Sunna. Clair ? Donc sans ta'wil, d'accord, sans ressemblance, ici sans dépouillement, etc. Mais sans ta'wil aussi, sans interprétation. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'apporter une interprétation quand il n'y a pas lieu d'avoir une interprétation. C'est-à-dire quand sahaba, as-salaf, radiyallahu ta'ala anhum wa arda'hum, n'ont pas apporté d'interprétation. Clair ? Donc par exemple, quand on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a une main, quand on sait qu'Allah azza wa jal descend au dernier tiers de la nuit, quand on sait qu'Allah azza wa jal s'établit sur son trône, on doit y croire fermement, d'accord ? Sans interpréter la chose avec je pense, je crois, je vois. Certains ont expliqué que la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la descente d'Allah azza wa jal bidhatihi, c'est-à-dire avec son entité, lui-même Allah subhanahu wa ta'ala, walakin c'est sa miséricorde. Rahmatuhu subhanahu wa ta'ala. Wa hadha khata, ça c'est une erreur. Car ici, on sait d'après les textes qu'Allah azza wa jal descend lui-même d'une descente qui convient à sa majesté. Allah est établi sur son trône. On doit y croire. Ils ont interrogé l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et ils ont dit, est-ce que Allah azza wa jal est établi sur son trône? Donc ils ont posé la question concernant l'établissement. Et l'imam Malik a dit, ici, cela est connu. L'établissement est connu. Al-kayfu majhoul, le comment est inconnu. Et ici, il dit, al-iman bihi wajib, la croyance en cela est obligatoire. Wa-su'al anhu bid'a, la question en cela, ici, concernant ce point-là, c'est une bid'a, c'est une innovation. C'est-à-dire, ni le prophète alayhi salatu wassalam est rentré dans ce sujet, et ni sahaba ne sont rentrés dans ce sujet. Ça nous dépasse. Donc nous, on doit se contenter à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim a dit, bi fahmi salafil umma. Et même ceux qui vont rentrer dans l'interprétation des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, ils vont te dire, na'am, al-salaf on dit, walakin al-khalaf on dit. Ils vont vous dire, les salaf on dit, on reconnaît, d'accord, qu'ils se sont tenus à ce que Allah et le prophète ont cité, d'accord. Et ici, mais les al-khalaf, ceux qui sont venus après, donc ils ont été obligés d'expliquer, d'interpréter pour pas, ici, laisser les gens dans certaines ambiguïtés. On n'a pas besoin d'aller au-dessus de ce que Allah a dit, le prophète a dit avec la compréhension des salaf. Clair? Sinon, on va s'égarer. On s'en tient à les textes coraniques et prophétiques. De même là, concernant les grands signes de la fin des temps, et les signes de la fin des temps, et particulièrement je dis les grands signes de la fin des temps, on doit ici s'arrêter avec قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة. Subhanallah, comment aller plus loin alors que vous allez voir le nombre de textes ici qu'il y a concernant, on a déjà vu Al-Mahdi, concernant Al-Masih ou Dajjal, ici c'est-à-dire le faux Messie, ou bien ici tu peux dire ici l'Antéchrist, il y a plusieurs textes. Et il y a des gens qui ici arrivent encore à faire divaguer surtout la jeunesse au jour d'aujourd'hui. Alors j'ai écouté certaines théories de certains prédicateurs, d'accord, surtout un très connu. Donc ici qui disait que l'œil borne signifie cette chose-là, d'accord, que Al-Masih Ad-Dajjal représente telle chose, représente tel parti politique, représente telle chose. Subhanallah, Al-Masih Ad-Dajjal, comme le prophète alayhi salatu wasalam a dit, c'est un descendant de Adam. C'est un être humain, Bachar. Donc c'est un être humain. Est-ce qu'il existe maintenant au jour d'aujourd'hui? Na'am. Est-ce qu'il y a sa description physique avec les textes authentiques? Na'am. Dans les détails, bit-tafsil. Dans les détails. Après cela, on va dire, non, il représente je ne sais quoi, etc. Nous, on n'a pas besoin de divaguer. On doit garder les pieds sur terre. Et on doit rester réaliste. On ne doit pas interpréter quand il n'y a pas besoin d'interpréter comme Ahlul Ilm, quand Ahlul Ilm et Salaf. Et ici, ils n'ont pas interprété. Donc, on va apprendre à connaître qui est Al-Masih ou Dajjal avec les textes du Coran. Et ici les textes du prophète alayhi afdalus salatu wa taslima sunna authentique bifahmi salaf al-umma insha Allah ta'ala al-masih ad-dajjal. Al-masih ici, donc on parle du messie. C'est un terme utilisé, al-masih, comme disent certains gens de science, pour désigner soit le véridique ou soit l'égaré et le menteur. Donc ça dépend du sens, ça dépend du contexte. Ça peut désigner quelquefois le véridique et quelquefois le menteur. C'est pour ça que Isa ibn Maryam, on l'appelle aussi Al-Masih, d'accord? Mais ici, Al-Masih ou Dajjal, d'accord? On va parler après de Dajjal, qu'est-ce que ça veut dire, l'Uratan, ici, au point de vue de la langue arabe. Donc ici, la différence entre Al-Masih, Al-Dajjal et Isa, alayhi salam, c'est que Isa est le Messie de la guidance, d'accord? Il guide les gens, et il a guidé les gens, et il guidera les gens, bi'idnillah azzawajal, car il va revenir, et ensuite on va parler de la venue, de la descente de Isa alayhi salam, tout en sachant qu'on a déjà dit que quand Al-Masih ou Dajjal sera présent, il y aura aussi Isa alayhi salam, il y aura aussi Al-Mahdi. Alors, les trois, d'accord, seront présents, d'accord, à une certaine époque, à un certain moment, comme on va le voir dans les détails à la fin de ce cours, inshallah ta'ala. Clair? Le Messie, c'est-à-dire Isa alayhi salam, c'est le Messie de la guidance. Il guérissait le muet, il guérissait ici les lépreux, ressuscitait les morts par la permission d'Allah Jalla wa Ala. Il avait plusieurs miracles, d'accord? Allah lui a octroyé, il lui a donné plusieurs miracles. Concernant le faux Messie, Al-Masih Ad-Dajjal, c'est le Messie de l'égarement. Il troublera les gens avec ce qu'il recevra comme signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il est appelé Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih, pourquoi? Comme on dit les gens de science, et c'est la parole prépondérante, comme a dit le prophète alayhi afdalu salatu wa askat taslim, nous disons, rapporté par l'imam muslim, qala rasulullahi alayhi salatu wa salam, inna ad-dajjal mamsuhu al-ayn. Le prophète l'a dit, ad-dajjal, donc le faux messie, ou bien l'antéchrist, pourquoi il s'appelle al-masih mamsuhu al-ayn? Car il aura un œil effacé, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et le hadith il est rapporté par muslim. Ad-Dajjal, d'accord, Al-Masih, pourquoi? Même Suhu Al-Ayn. Donc il aura un œil effacé. Et on sait que Al-Masih Ad-Dajjal, il sera borne. Il est borne, on peut dire au moment présent. Il existe maintenant, il existe maintenant. Au jour d'aujourd'hui, il existe, il est présent au jour d'aujourd'hui, on va le voir. Ad-Dajjal, c'est le faux. C'est un terme utilisé pour désigner soit le menteur ou bien le trompeur. Et cela est devenu presque, je vais dire, spécifique, comme on dit, al-ulama, à l'antéchrist. Pourtant, al-Dajjal, c'est un terme en langue arabe qui rappelle al-kadhib, le menteur, le trompeur. Walakin, quand on dit al-Dajjal, on pense directement à qui? Al-Masih al-Dajjal. D'accord? L'antéchrist ou bien le faux messie. Donc, il faut connaître sa description. Mais pourquoi on doit connaître tout ça? Parce que ceux qui ne connaissent pas le Messie al-Dajjal, il y a de fortes chances qu'ils se fassent tromper. Ah, parce que c'est une personne qui va tromper les gens. Et c'est une personne qui va mentir. Et ça sera une grande fitna. C'est possible et forte, il y a de fortes chances qu'ils se fassent tromper et avoir par le faux Messie. C'est pour ça, comme on le verra à la fin du cours, inshallah ta'ala, parmi les choses à savoir et à prendre en considération pour ne pas se faire avoir par le Messie al-Dajjal, pour se protéger contre le Messie al-Dajjal, c'est de le connaître. Parce que si tu ne le connais pas, c'est-à-dire tu ne connais pas les mensonges qu'il va apporter, comment il va se comporter, sa description physique, comment veux-tu reconnaître le Messie al-Dajjal et ne pas te faire avoir? Donc ici, on va commencer avec sa description physique. Wasfuhu. Qu'Allah Azza wa Jal le maudisse. On suit ici avec les textes du prophète عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ابن عمر رضي الله عنه عن أبي رapport que le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a dit, et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim في الصحيحين. Il dit عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل جسيم أحمر جعد رأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. Tandis que je dormais, je me vis tourner autour de la Kaaba. Ça, c'est le prophète qui le dit. Et il mentionna avoir vu Isa ibn Maryam et ensuite le faux Messie. Et se mit à le décrire en disant, c'est alors que je vis un homme. Ici, c'est-à-dire qui était gros ou immense. Brun, cheveux crépus, borne, son œil comparable à un raisin apparent. Ils dirent, l'homme qui ressemble le plus à ce faux messie est Ibn Qatan. Ibn Qatan, ici, c'était un homme de Khuza'a. Après que le prophète a décrit Al-Masih al-Dajjal dans les détails, ils ont dit, l'homme qui nous paraît lui ressembler le plus, c'est Ibn Qatan de, ici, Khuza'a. Et Ibn Umar, radiyallahu anhuma, il rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, évoqua la sortie du faux messie parmi les gens et dit, et le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Pourquoi après, nous on va aller au-dessus de cela en interprétant et en disant que le Messie al-Dajjal est représenté par telle chose, telle génération, telle ici armée, telle... La description elle est claire. Ici le prophète alayhi salatu wasalam a dit, certes Allah pureté à lui n'est pas borne. Inna Allah ta'ala laysa bi'a'war. Ala wa inna al-Messie al-Dajjal a'waru l'ayn al-yumna. Dans cette version, le prophète alayhi salatu wasalam parle de l'œil droit. Dans une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam parle de l'œil gauche. On va voir comment on concilie al-ulama entre ces hadiths authentiques. Le prophète a dit ici, certes, Allah, pureté à lui, ici, laysa bi'a'war. Allah jalla wa ala, il n'est pas borgne. Et il dit, tandis que le faux messie est borgne de l'œil droit. Son œil ressemble à un raisin apparent. En réunissant les ahadiths, parce que je vous ai dit, il y a d'autres ahadiths et on les verra par la suite, inshallah ta'ala, où il est relaté, il y a plusieurs ahadiths, et la majeure partie des ahadiths concernant le Messie al-Dajjal ont été rapportés par, ici, par l'imam Muslim et l'imam Ahmed, ici, et d'autres gens de science, mais particulièrement, vous retrouvez ces ahadiths dans Sahih Muslim, et dans le Musnad de l'imam Ahmed. Ici, vous allez voir dans d'autres ahadiths, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé qu'il était borgne de l'œil gauche. Al-ulama, parmi eux, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, et ici Al-Qurtubi, Al-Qadi Iyad, ils ont réuni entre les ahadiths et ils ont vu que le plus prépondérant et ce qui se rapproche du plus authentique en conciliant entre les ahadiths, c'est que l'œil droit est complètement borné, il est complètement borné de l'œil droit. C'est-à-dire que l'œil droit est complètement effacé. Et concernant l'œil gauche, il y a une couche épaisse dans d'autres ahadiths. Il est rapporté que son œil a une couche épaisse. Donc ils disent que l'œil qui est complètement effacé, c'est l'œil droit. Amma l'œil gauche, il y a une couche épaisse. C'est-à-dire qu'il a deux déficiences dans, ici, ses yeux. Une sur son œil droit et une sur son œil gauche. Walakin, il est borné complètement de l'œil droit, mais pas de l'œil gauche, ولكن il y a une peau sur son œil gauche. كما قال عليه الصلاة والسلام dans un hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim qu'on vient de citer dans d'autres hadiths. Et les savants parmi eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, Al-Qurtubi, Al-Qadi Iyad, l'imam Al-Nawawi et d'autres gens de science ont rapporté ici ces propos que je viens de vous citer pour concilier entre tous les hadiths. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous donne ici une autre description. Donc on a dit tout à l'heure, ici que Al-Masih Ad-Dajjal, il avait les cheveux crépus. Il était borgne, ici, de son œil droit. Donc, dans une version, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il était immense ou gros. Et ici, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, قال عليه الصلاة والسلام إن المسيح الدجال رجل قصير. المسيح الدجال c'est un homme. Ah, رجل c'est un homme. C'est un homme qui est petit de taille. Et ici, il n'y a pas de paradoxe, d'accord? Ou alors de choses qui s'opposent dans tous les textes ici prophétiques. Dans certains textes, il est rapporté qu'il est immense, et dans d'autres textes, comme celui que je viens de vous citer, qu'il est petit. Les gens de science ont dit, tu peux être petit mais immense. D'accord, tu peux être petit mais immense. On continue la description. Rapporté par l'imam Ahmed dans un hadith, et je prends une partie de ce hadith pour nous apporter d'autres descriptions physiques de l'Messie Ad-Dajjal. Il a le cou large et il est un peu courbé. D'accord, il a le cou large et il est un peu courbé. De petite taille, cheveux crépus et c'est un homme corpulent. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a apporté une autre description. Et il dit, il a la chevelure abondante. Il a une chevelure abondante. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihain, le prophète alayhi afdalu salati wa taslim nous apporte une autre description encore. Et il dit, inna bayna aynayhi maktubun kafirun wa fi riwaya kaf fa ra. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam il dit, inna bayna aynayhi, entre ses deux yeux, il y a une inscription. Claire? Cette inscription, dans Sahih al-Bukhari au Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que c'est kafir. Un seul mot. Donc, ici, celui qui a mécru, mécréant. Et dans une autre version, le kaf, le fa et le ra. Kafara. Claire? Et l'autre version, elle est rapportée par Muslim. Et ici, il est rapporté dans un hadith rapporté par Muslim encore, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghayra katibin. Il dit alayhi salatu wassalam, tout croyant pourra lire, d'accord, lire, voir cette inscription. Et il dit katibin wa ghayra katibin, c'est-à-dire ici alphabet ou analphabet. Clair? Que tu saches lire ou pas, tout le monde, par la permission d'Allah Jalla wa Ala, pourra voir ici cette inscription. Certains sont encore rentrés dans ça veut dire autre chose. C'est une métaphore. Comme a dit les ulama, ici nous disons sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. On reste ici avec les textes du Coran et de la Sunna bi fahmi salaf al-umma. On n'a pas besoin d'aller encore plus loin. Les ulama ont dit que Allah Jalla wa Ala permettra ici, et Allah fait ce qu'il veut, quand il veut, si il veut, aux non-musulmans, ou plutôt aux musulmans, même s'ils sont analphabètes, de, ici, voir ces inscriptions-là. Claire? Pourquoi je dis ça encore? Parce que, au jour d'aujourd'hui, je parle toujours d'un prédicateur qui est rentré encore dans une psychose en disant, vous voyez, ce que le prophète a voulu dire, c'est la croix gammée. Ah, la preuve que c'est une inscription que tout le monde connaît maintenant, l'alphabet, l'analphabet. D'autres ont dit, non, c'est une inscription qui est maintenant qu'on retrouve dans certains... Et ça, qui te l'a dit? Le prophète, il l'a détaillé. Kafir. Et dans une version rapportée par Muslim, le prophète, il dit quoi? Le kaf, le fa, le ra. Quelle relation entre ça et la croix gammée? Billahi alaykoum. Et ça, c'est interdit en islam. On peut pas, surtout dans des sujets extrêmement sensibles, ici, interpréter des choses. Bien sûr que Shaitan peut jouer avec nos pensées. Bien sûr que Shaitan peut nous faire croire des choses. Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître vraiment, yani qui coïncident quelquefois. Mais nous, on n'a pas le droit de se baser sur des suppositions, sur des choses qui sont, ah, c'est vrai que ça paraît bizarre. Non. Nous, on doit se limiter à, comme on le dit souvent, قال الله وقال الرسول بفهم السلف الأمة, sur tous ces sujets extrêmement sensibles. L'imam al-Nawawi a dit, ce n'est pas une métaphore, c'est apprendre au premier sens. Ce n'est pas une métaphore, c'est apprendre au premier sens. Claire. Parmi les descriptions qu'on a concernant cet homme, Al-Masih Ad-Dajjal, d'accord, le faux messie. Ou bien, si on dit Al-Masih, on avait dit, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Mamsouhu l'ayn. C'est-à-dire, il est borgne. Ad-Dajjal, le menteur. Le borgne, menteur. On pourrait dire ça quelque part aussi. Le borgne, menteur. Concernant cet homme-là, qu'Allah le maudisse, est-ce qu'il y a d'autres descriptions? Na'am. Le prophète alayhi afdalu salatu wasalam a dit, et le hadith, il est rapporté par Muslim. Ici, on demanda à Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, n'as-tu pas entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, d'accord, concernant Al-Masih al-Dajjal, qu'il ne peut pas avoir d'enfant, il ne peut pas enfanter. Et lui, de répondre, na'am. Et le prophète, ici, on a répondu, si. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a dit. Et le hadith, il est rapporté, ou le athar, il est rapporté par Muslim. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, a informé les compagnons qu'il sera stérile, qu'il ne peut pas enfanter. Clair. On dit depuis tout à l'heure que Al-Masih Ad-Dajjal, au jour d'aujourd'hui, maintenant, plus que cela, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il était présent. Ma huwa ad-dalil? La preuve de cela, c'est un long hadith, et ici, je vais vous le citer, je vais vous le lire, et ici, concernant un long récit rapporté par Muslim, Fatima bint Qais rapporte. Et écoutez bien, je vous le lis. J'entendis le cri du héros du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, al-adhan ou bien al-mu'adhin, qui est appelé ici à la prière en groupe. Et je sortis, me dirigeant vers la mosquée, et je priais avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Je me trouvais dans le rang des femmes qui vient après celui des hommes. Lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ici, eut terminé sa prière, c'est qui raconte? Fatima bint Qais. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. Elle dit, il s'assit sur le mimbar, alayhi salatu wassalam, en riant. Et nous dit, le prophète a dit, que chacun demeure à l'endroit où il a prié. Il a terminé la prière, il a dit, khlas, tout le monde reste à sa place. Et il dit, alayhi salatu wassalam, savez-vous pourquoi je vous ai rassemblés? Ils répondirent, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager savent mieux. Par Allah, dit-il, je ne vous ai réunis ni pour une exhortation, ni pour un avertissement. Au contraire, je vous ai rassemblés car Tamim ad-Dari, c'est un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, walakin il était chrétien et il a prêté serment et embrassé l'islam. Il dit, il m'a conté un récit, écoutez bien, confirmant ce que je vous avais dit au sujet du faux messie. Ah, le prophète alayhi salatu wassalam, il a été heureux. Parce que le prophète alayhi salam les avait informé sur une chose qui concerne al-mustaqbal, le futur, et il dit, regardez, at-tamim ad-dari m'a raconté une chose qui confirme ce que je vous ai dit. Donc il était content, le prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit, il m'a raconté qu'il était monté à bord d'un navire en compagnie de 30 hommes. Les vagues les ballottèrent en mer un mois durant, puis ils échouèrent sur une île en pleine mer. Pendant un mois, ils étaient sur le bateau jusqu'à ce qu'ils ont été échoués. Ils restèrent dans le navire jusqu'au coucher du soleil, puis s'installèrent sur les barques du navire et débarquèrent sur l'île. Donc après un mois, ils ont chaviré, et ici, ou alors plutôt, ils se sont échoués, et vint alors à leur rencontre, quand ils sont descendus du bateau, sur cette île-là, une bête, tellement velue qu'on ne distinguait même pas la tête de la croupe. Donc imaginez-vous, pendant un mois, d'accord, ils sont en pleine mer, après ils s'échouent sur une île, ils descendent, après le coucher du soleil, ils voient une grande bête, toute poilue, qui leur parle. Notre réaction à nous, hadith ou la haraj. Al-Muhim, as-sahaba radiyallahu anhum wa arda'um. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'écrièrent, malheur à toi, qu'est-ce que tu es donc? Et elle de répondre, je suis l'espionne. Elle dit, je suis l'espionne. Et ici, ils reprirent. Et qu'est-ce que donc l'espionne? Elle dit, aux gens, allez donc trouver cet homme dans ce cloître ou cette grotte, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. Elle leur a dit, venez voir, ici, dans cet endroit-là, cette grotte-là, il y a un homme qui est impatient de prendre de vos nouvelles. Et lorsqu'elle nous désigna l'homme, dit-il, nous craignâmes qu'elle ne soit une diablesse. Alors nous partîmes à la hâte, jusqu'à être rentrés dans le cloître ou la grotte, et voilà qu'on y trouva la personne la plus incroyable que l'on ait vue, et la plus fortement enchaînée, les mains attachées au cou, et des fers entravant ses genoux jusqu'aux chevilles. Nous lui demandâmes, malheur à toi, qui es-tu? Vous êtes capable de me donner des informations, dites-moi, donc, qui êtes-vous? Donc, ici, ils engagent une conversation avec cette personne dont ils ont dit, on n'a jamais vu quelque chose ou quelqu'un de plus incroyable que cette personne-là qui était enchaînée, lourdement, fermement. Et ici, eux, ils commencent à répondre à cette personne qui les interroge. Et ils disent, nous sommes des Arabes, nous avons pris la mer quand elle était déchaînée et les vagues nous ont ballottés pendant un mois avant de nous échouer sur ton île. Nous nous installâmes sur les barques de notre navire, puis nous débarquâmes sur l'île. Nous rencontrâmes une bête tellement velue que l'on ne distinguait même pas la tête de sa croupe. Nous lui demandâmes, malheur à toi, qu'as-tu donc? Et celle de répondre, je suis l'espionne. Nous demandâmes, et qu'est-ce que donc l'espionne? Elle nous dit, allez trouver cet homme dans la grotte car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. Nous partîmes donc précipitamment à ta rencontre et prîmes peur d'elle. On ne pouvait être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une diablesse. Il continue. Donc ils ont raconté ce qui s'est passé. Il continue. Informez-moi au sujet de la palmeraie de Baïsan. Que veux-tu savoir à son sujet? Je vous questionne au sujet de ces palmiers. Sont-ils encore productifs? Ils disent Naam, oui. Bientôt, ils ne donneront plus de fruits. Informez-moi au sujet du lac de Tibériade. Que veux-tu savoir à son sujet? Y a-t-il encore de l'eau? Ils disent, ou ils dirent, oui, ces eaux sont abondantes. Bientôt, ces eaux disparaîtront. Il répond, donc on parle de qui? Cette personne-là. Bientôt, ces eaux disparaîtront. Informez-moi au sujet du puits de Zourar. Que veux-tu savoir à son sujet? Y a-t-il encore de l'eau dans le puits? Et ses habitants irriguent-ils encore leur terre de son eau? Ils disent, oui, ses eaux sont abondantes et ses habitants utilisent encore son eau pour l'irrigation. Informez-moi au sujet du prophète des illettrés. Qu'a-t-il fait? Et ils dirent, il est parti de la Mecque et s'est établi à Yathrib. Les Arabes l'ont-ils combattu? Donc cet homme-là qui est enchaîné leur dit, les Arabes l'ont-ils combattu? Ils dirent, oui, qu'a-t-il fait d'eux? Et nous de l'informer qu'il avait dominé tous les Arabes qui étaient à sa portée et ils lui ont obéi. Cela est-il arrivé? Oui, cela est arrivé. En effet, cela est préférable pour eux de lui obéir. Donc regardez, c'est un égaré, regardez, c'est un menteur, c'est un trompeur, mais souvent, même le menteur, le trompeur, ici quand il va voir que son adversaire est sur la vérité, à un moment ou à un autre, il reconnaîtra quelque part qu'il est sur la vérité. Et il dit quand même, il dit en fait, cela est préférable pour eux de lui obéir. Je vais vous dire qui je suis. Je suis certes le Messie et j'aurai bientôt l'autorisation de sortir. Alors je me manifesterai, je parcourrai la terre et il n'est pas cité dans laquelle je n'entrerai. Ah, on sait que Al-Masih Ad-Dajjal, ah, il dit qu'il ira partout sur la surface de la terre. Clair? Sauf. Et ce durant 40 nuits. 40 nuits, ça représente quoi? On va le voir. Si ce n'est la Mecque et Taïba. Il a dit, c'est les seuls endroits, d'accord, ou les seules villes dont je n'aurai pas accès. La Mecque et Taïba, c'est-à-dire Taïba, Médine, car elles me seront toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrai rentrer dans l'une d'elles, soit la Mecque ou Médine, un ange viendra à ma rencontre, un sabre dégainé en main pour m'en repousser. Et chaque quartier de la ville sera gardé par des anges qui la protègent. La Mecque et Médine. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, frappant de son bâton sur le minbar, il dit, celle-ci est Taïba. Celle-ci est Taïba. Et il répéta cela trois fois, alayhi salatu wassalam. Ne vous ai-je pas entretenu de tout ceci? Les gens répondirent alors, si. Le prophète, il dit, je vous avais pas dit cela? Ils dirent si. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ce qui m'a plu dans le récit de Tamim, c'est qu'il confirme le récit que je vous ai raconté également à propos de Médine et de la Mecque. N'est-il pas dans la mer du Chem ou dans la mer du Yémen? Non, mais plutôt du côté de l'Orient, du côté de l'Orient, du côté de l'Orient. Et il désigna ici le prophète alayhi salatu wassalam, l'Orient de sa main. Donc ça, c'est un long récit rapporté par Muslim. Et c'est qui le rapporte ou qui rapporte ces faits? Fatima bint Qais. Et le hadith rapporté par Muslim. Donc on voit les détails. Et ça, ça nous prouve comme quoi Al-Masih Ad-Dajjal, au jour d'aujourd'hui, à l'époque du prophète, il existait déjà. L'endroit de l'apparition. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu warda rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith il est rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Il dit Ad-Dajjalu yakhruju min al-ard ou min ardin bil mashriq yuqalu laha Khurasan. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ad-Dajjal, c'est-à-dire le menteur, l'imposteur, le faux messie, sortira d'un territoire en Orient que l'on appelle Khurasan. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, selon Anas radiyallahu ta'ala anhu warda, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit الدجال يخرج من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. Ici le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ici que le faux messie sortira du côté ou du quartier, un quartier juif qui est Asbahan, clair, et il y aura avec lui 70,000 partisans, d'accord, 70,000 partisans, et il n'entrera par contre ni à la Mecque, comme le prophète alayhi salatu wasalam a dit tout à l'heure, on l'a cité dans le hadith rapporté par Muslim, et ni aussi à Médine, mais il y aura aussi 4 mosquées dont ici Al-Masih Ad-Dajjal ne pourra pas avoir accès, et le hadith ici qui rapporte cela, où on retrouve ici ce que je viens de vous dire, il est authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi afdalus salati wa sakat taslim a dit, wa innahu yamkuthu fil ardi 40 sabahan, yablughu fiha kullu, aw kulla manhalim, wa la yaqrabu 4 masajid. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il demeurera sur terre 40 matins, on va expliquer cela, durant lequel il atteindra toute source, mais n'approchera pas 4 mosquées. Et il dit, alayhi salatu wassalam, masjid al-haram, wa masjid al-madina, wa masjid al-tour, wa masjid al-aqsa. Il dit, alayhi salatu wassalam, la mosquée du haram sacré, la mosquée, donc, de Médine, la mosquée al-tour, et la mosquée al-aqsa de Jérusalem. Et le hadith, il est authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et la majeure partie de ses partisans, ce seront qui? Ce seront, en général, nous disons, les plus ignorants. Clair? Comme le prophète, alayhi salatu wasalam, l'a rappelé dans de nombreux textes qui vont dans ce sens, ce seront ceux-là qui ont eu le moins de science, les plus ignorants. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wasalam, a rappelé qu'il viendra à une époque où, ici, il y aura beaucoup d'ignorance et il y aura beaucoup de famine. Donc on verra qu'il y a, ou on voit ici qu'il y aura beaucoup de pauvreté, d'accord, concernant la science, et concernant aussi les biens. Car le prophète alayhi salatu wasalam a rappelé aussi que le Messie Ad-Dajjal va venir à une époque de grande famine. D'accord? De grande famine. Et quand on sait qu'on est dans une époque de grande famine et de grande ignorance, on sait que les troubles sont plus ou de plus en plus néfastes et touchent de plus en plus de personnes. Comme on va le voir dans les détails, incha'Allah ta'ala. Et particulièrement les bédouins. Et particulièrement aussi les femmes. Clair? Ici, les preuves de cela, c'est ce qu'a dit le prophète alayhi abdallu salatu wa askat taslim. Il dit alayhi salatu wa salam, wa al-hadith rawahu ibn Majah, wa sahah al-hadith, Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, wa inna min fitnati an yakula al-a'rabi ara'ayta. Il va dire ici au bédouin, vois-tu si je ressuscite ton père et ta mère? Mais il dira qui? Au bédouin. Les ulama, ils ont dit ici, le prophète, il mentionne que ce seront les gens les plus éloignés de la science. Il va parler des bédouins, et après il va parler de, pas toutes les femmes bien sûr, mais de certaines femmes. Il dira, ici, vois-tu si je ressuscite ton père et ta mère? Attesteras-tu que je suis ton seigneur? Donc bien sûr, son père et sa mère sera mortes, seront décédés. Et il dira, attesteras-tu ici, atashhadu anni rabbuk? Fayaqul na'am. Fayatamathalu lahu shaytanan في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. Et ici, quand ils vont dire, oui, on attestera que tu es notre Seigneur, si tu ressuscites mon père et ma mère, nos parents. Et ici, il dira, oui, c'est alors, ou ils diront oui, c'est alors que deux démons se manifesteront sous la forme de son père et de sa mère en disant, ô mon fils, suis-le, car il est ton Seigneur. Donc ici, ce sera deux diables, shaytanan, qui vont prendre l'apparence de son père et de sa mère. Regardez le prophète, qu'est-ce qu'il dit à 14 siècles? Et ça, c'est une réponse à ceux qui disent, ah, quand une personne meurt dans un endroit, tu sens encore sa présence, et même il peut te parler, et même tu peux le voir, et même quelquefois, quand tu l'appelles, il te répond pendant 40 jours, pendant une certaine période. Ya Abdallah, même si tu entends des voix, sache que c'est shaytan qui joue avec toi. Lui va lui dire, est-ce que si je ressuscite ton père et ta mère, tu les vois clairement devant toi, est-ce que tu attesteras que je suis ton Seigneur? Ils diront, na'am. Ah, deux shaytans vont prendre l'apparence de son père et de sa mère, et ils vont dire, ya bunay, ittabi'hu, fa innahu rabbuk, ici, suis-le, car c'est ton Seigneur. Et ils diront, khlas, tu es notre Seigneur. Ah, ça c'est parmi al-fitan, les troubles, les épreuves qui vont accompagner le Messie al-Dajjal. Imaginez-vous ici les dures épreuves. Donc il y a des gens, déjà au jour d'aujourd'hui, qui sont ignorants à un point où, même si Shaitan ne prend pas l'apparence de leur père et de leur mère, ils se font avoir par qui? As-sahara wal-kuhan. Par les sorciers, par les devins, etc. Alors qu'il lui dit juste une petite chose, ou quelquefois une petite vérité sur 1 million, ou 10 millions, ou 1000 mensonges, il se fait avoir facilement. Que dire que quand ils vont voir Al-Masih Ad-Dajjal, et qu'il va venir avec tous ses prodiges, et qu'il va venir avec, ici, par la permission d'Allah Azzawajal, ordonner au ciel de faire tomber la pluie, et la pluie elle tombera. Et à la terre de sortir ses récoltes, et la terre sortira ses récoltes. Alors qu'ils seront dans une grande famine. Il viendra avec des montagnes de pain. Il viendra avec des montagnes de fleuves, d'eau et de nourriture. Comme قال عليه الصلاة والسلام, on va le voir dans les détails, inshallah ta'ala. Et en ce qui concerne les femmes, leur cas est plus grave que celui des bédouins. Ici, car elles sont facilement influençables et l'ignorance est courante chez certaines femmes ou chez beaucoup de femmes. Comme disent ici, les gens de science, quand ils expliquent ce hadith-là, et ils rapportent le hadith rapporté par Ibn Umar, radiyallahu anhu an abi, qui rapporte que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, Al-Masih al-Dajjal, le faux messie, s'installera, ici, il s'installera dans un endroit qui est Marqanat. D'accord? Ici, il dit, Bimarriqanat, fayakunu akthara man yakhruju ilayhi nisa. Et la plupart de ceux qui sortiront pour le rejoindre seront les femmes, au point qu'un homme s'en retournera chez sa proche et chez sa mère, sa fille et sa sœur, ainsi que sa tante, pour les attacher avec des liens, de peur qu'elles ne le rejoignent. Tellement que les hommes vont avoir peur, et tellement que les femmes vont être influençables, vont se faire avoir, et c'est dû à l'ignorance, qu'ils auront tellement peur pour eux qu'ils vont rentrer, courir chez leur mère, chez leur sœur, chez leur femme, chez leur fille, chez leur tante, pour les attacher, pour pas qu'ils rencontrent Al-Masih Ad-Dajjal et qu'ils se fassent tromper. Ah, parce qu'on a dit que c'était un menteur, hein? C'était un menteur, un trompeur. Et pourquoi ils vont se faire tromper? Parce qu'il aura, ici, des prodiges qui vont être impressionnants à tel point qu'une grande partie des gens vont se faire avoir. Quels sont ces prodiges? Avec quoi il va venir Al-Masih Ad-Dajjal? Ici, il y a plusieurs textes qui nous le rappellent. Parmi ces textes-là, il y a le texte qui réunit un peu tous les ahadiths qu'on va citer dans les détails, inshallah ta'ala. Ce texte, il est général. Et il nous montre, ici, la grande épreuve qu'est l'épreuve de Dajjal. Le prophète, alayhi afdalu salatu wa taslim, a dit, comme ja'a fi sahih, la fitnata a'zamu min fitnati ad-dajjal. Tout simplement. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, il n'y aura pas d'épreuve ou de trouble plus grand que le trouble ou que l'épreuve du Messie ad-dajjal. Et dans une version, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, la plus grande des épreuves depuis Adam jusqu'au jour de la résurrection, la plus grande épreuve, ça sera l'épreuve de qui? Al-Masih Ad-Dajjal. Il n'y aura pas. Ça n'existe pas. Une plus grande épreuve, d'accord, depuis l'époque d'Adam jusqu'au jour dernier, que l'épreuve de qui? De Al-Masih Ad-Dajjal. Le prophète Ali Afdalus Salatu wa Taslim a dit, et le hadith est rapporté par Muslim, clair? Il dit, Ad-Dajjal a'warul ayn à al-yusra. Ah, le prophète Ali Salam ici dit l'œil gauche. Vous voyez pourquoi tout à l'heure on a expliqué comment les savants ils ont concilié. Ils ont dit, ici, la plus grande quantité qui prouve qu'il est borné complètement de l'œil droit, d'accord, nous rappelle qu'on doit confirmer cette réalité, qu'il est borné complètement de l'œil droit, mais qu'il a un défaut, c'est-à-dire ce défaut, c'est-à-dire qu'il y a une peau qui recouvre l'œil gauche, qui n'est pas complètement borné de l'œil gauche, et on a dit, c'est l'avis de l'imam Nawawi, Al-Qadi, Iyad, Al-Qurtubi et d'autres. Il dit, alayhi salatu wasalam, le faux messie est borné de l'œil gauche et a une chevelure abondante, on l'a dit ça. Il a à sa disposition un jardin. Il a à sa disposition un jardin. Ma'ahu jannatun wa nar. Un jardin et un feu. Son feu est jardin et son jardin est feu. Donc il aura avec lui un jardin, d'accord? Et ici, un feu. Et le jardin est félicité. Paradis bi'idnillah azza wa jal. Tandis que le feu, ici, ou le feu plutôt, est félicité. Et jardin. Et le jardin, c'est du feu. Le prophète alayhi salatu wa salam, il continue en détaillant ce point-là. Rapporté par Muslim selon Hudhayfa, radiyallahu anhu arda, qui rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, je connais mieux ce dont dispose le faux messie que lui-même. Alayhi afdalu salatu wa azka taslim. Il dit, je connais mieux ce dont dispose le faux messie que lui-même. Il dispose de deux fleuves qui coulent. L'un est à vue d'œil, une eau transparente, et l'autre semblable à vue d'œil d'être un feu attisé. Si cela arrive à l'un de vous, qu'il aille au fleuve qui croit être un feu. Parce que c'est un trompeur. Donc toi tu vas croire ici que le feu est du feu. Walakin c'est le contraire. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, si cela arrive à l'un d'entre vous, qu'il aille au fleuve qu'il croit être un feu. Et qu'il ferme les yeux, puis qu'il baisse la tête et en boive, car il s'agit d'une eau fraîche. Car il s'agit ici d'une eau fraîche. Tandis que tout à l'heure le prophète alayhi salatu wa salam dans une autre version, il a dit il aura un jardin et un feu. Donc le jardin ici, ça ne représente pas un jardin, mais le contraire est le feu. Ça ne représente pas le feu, mais le contraire. Et ceci pour tromper les gens. Il y a aussi un hadith d'Abu Umama al-Bahili. Ici, où le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et parmi son épreuve, il dira à un bédouin, vois-tu si je ressuscite ton père et ta mère, attesteras-tu que je suis ton seigneur? Il dira oui, c'est alors que deux démons se manifesteront sur la forme de son père et de sa mère en disant, ô fils, suis-le, car il est ton seigneur. Ça, c'est parmi les choses qu'on a citées tout à l'heure aussi. Parmi les épreuves qu'il aura, ici, il viendra, comme on a cité tout à l'heure aussi, à une époque de grande famine. Il y aura beaucoup de faqr, de pauvreté. Les gens auront beaucoup faim. Et il y aura beaucoup d'ignorance. Imaginez-vous, la faim et l'ignorance. D'accord? Ici, tout, ou on va dire un cocktail explosif pour faciliter, d'accord, l'égarement, ah mais de qui? Des ignorants. C'est les ignorants, en général, qui se font avoir par les gens qui perturbent les gens. D'accord? Ou alors, les éléments perturbateurs, ash-shayatin, etc. C'est les ignorants, en général. Quand une personne ne sait pas, il tombe facilement dans le panneau de shaitan. C'est pour ça que, à l'époque de le Messie ad-Dajjal, c'est ceux qui seront le plus ignorants concernant le Messie ad-Dajjal, sa venue, ses prodiges et la croyance en Allah Azza wa Jal, d'accord, qui est Allah, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, etc., qui se feront avoir. Car ils ne vont pas distinguer entre al-haq wa al-batil. Mais le prophète alayhi salatu wa salam, il rappelle que le Messie ad-Dajjal, il est a'war. Wallahu laysa bi'a'war. Alors qu'Allah, il n'est pas borne. Ah, quand tu sais, khlas, tu ne te feras pas tromper. Même si tu vois de grandes choses, de grands prodiges, tu vas dire khlas. Je sais que ça, c'est les descriptions du prophète. Pourquoi? Parce que tu sais. Quand tu sais, tu n'es pas un ignorant. Il dit, alayhi salatu wa salam, ici, il viendra avec des montagnes de pain. Et dans une version, de nourriture. Et dans une version aussi, et de boisson. D'accord? Alors que les gens, ici, auront énormément faim. Combien de temps il restera et comment il se déplacera? Al-Masih ad-Dajjal, il est rapporté dans un hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, évoquant le faux Messie, c'est-à-dire Al-Masih ad-Dajjal. Les compagnons demandèrent au messager d'Allah, combien de temps va-t-il demeurer sur la terre? Donc le faux Messie. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, 40 yawman, 40 jours. Et il détaille, yawmun kasana, ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. Il dit عليه الصلاة والسلام, et le hadith est rapporté par Muslim, il va rester 40 jours sur la surface de la terre. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste des jours comme vos jours habituels. D'accord? Donc 40 jours, mais un jour passera comme une année. Un jour sera comparable, ça sera une année. D'accord? Pourtant c'est un jour, mais ça va durer une année, un jour. Ici, un jour comme un mois. Un jour comme une semaine. Et le reste des jours, ici, le reste des jours comme les jours habituels. Ils demandèrent, quelle est sa vitesse de déplacement sur terre? Comment il va se déplacer? À quelle allure? Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, comme la pluie chassée par le vent. Il viendra à un peuple et les invitera à le suivre. Ils croiront en lui et répondront à son appel. Il ordonnera au ciel de pleuvoir, à la terre de faire pousser sa végétation. Et leur bétail reviendra au soir plus nombreux. L'épice plus ballonné et plus gras que jamais. Ensuite, il ira à un peuple, les invitera à le suivre. Et ils refuseront ses propos. Alors il les laissera et le lendemain, ils retrouveront leur terre asséchée, ne possédant plus rien de leurs biens. Il passera près d'une ruine et lui ordonnera « Fais sortir tes trésors ». Ainsi ses trésors le suivront, tels les abeilles suivant leur reine. Par la suite, il appellera un homme débordant de jeunesse, le frappera d'un coup d'épée et le coupera en deux parties. Aussi rapidement qu'une flèche atteignant sa cible, il l'appellera ensuite, après l'avoir coupé en deux. Et le voici qu'il se redressera devant lui, le visage rayonnant de joie en souriant. Regardez les épreuves. Seul celui qu'Allah a raffermi et a préservé, wallah, il pourra s'en sortir de cette grosse épreuve. Regardez comment les gens se font tromper par certaines personnes que parce qu'ils ont beaucoup d'argent ou une certaine notoriété au jour d'aujourd'hui. Que dire de cette époque où les gens goûteront l'ignorance et la famine et ils verront Al-Masih Ad-Dajjal, la plus grande épreuve qui a existé depuis l'époque du prophète, depuis l'époque d'Adam jusqu'au jour dernier. Donc ici, seul celui qu'Allah aura préservé pourra s'en sortir. Comment s'en protéger? Pour terminer, ici, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Al-Masih Ad-Dajjal n'apparaîtra pas jusqu'à ce que les gens oublient de l'évoquer et jusqu'à ce que les imams délaissent le discours à son sujet sur les chairs Al-Manabir. Donc ça, c'est parmi les premiers signes, d'accord, qu'on peut citer, ou alors on peut dire plutôt ici que ça nous rappelle que si on veut se protéger de l'Messie Ad-Dajjal, il faut le connaître. Mais il viendra une époque, d'accord, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, où les gens ne parleront très peu ou que très peu de lui, presque pas. Les imams parleront très peu ou presque pas de lui. Ce qui va causer une grande ignorance chez les gens, clair? C'est pour ça que les ulama disent, parmi les premières des choses à respecter pour être préservé, se protéger de l'Messie Ad-Dajjal, c'est d'apprendre à le connaître. C'est d'apprendre à le connaître. C'est-à-dire, quand tu as une certaine description, tu sais combien de temps il va rester. Ici, sa description physique. Quel prodige il aura. Avec quoi il va venir. À quelle époque il va venir. Ça sera une époque de famine. Comment les femmes vont réagir. Comment les bédouins vont réagir. Comment tu dois réagir. Qu'est-ce qui va t'aider à te protéger de lui? Akhlas. Déjà, quand tu vas le voir, tu vas le reconnaître. C'est pour ça qu'al ulama disent. Ça, c'est une preuve qu'on doit apprendre à nos enfants, à nos épouses, à nos parents, à nos frères, à nos proches, qui est le Messie Ad-Dajjal. Et combien de gens ne connaissent pas le Messie Ad-Dajjal? Ils disent oui, c'est l'antéchrist. Point. C'est tout. Khlas. Ça veut dire que si demain le Messie Ad-Dajjal vient, c'est probable, si demain il vient, il ne reconnaîtra pas. Et peut-être même qu'il va tomber dans le panneau quand il va voir certains miracles, et il va dire, enfin, moi je posais la question à des imams, à des prédicateurs, à des savants, quelle est la solution à mes soucis, à mes problèmes, ils n'ont pas su me répondre, et lui il vient avec la solution. Combien vont tomber dans le panneau? Parce que les gens maintenant, quand on les voit, par exemple, juste avec le cas de Ar-Ruqya Shar'iyya, d'accord, Ar-Ruqya, il y a des gens tellement qu'ils sont perdus, parce qu'ils sont possédés par un djinn, ou alors on leur a fait sihr, ou alors par l'ayn, ils sont prêts à faire tout et faire n'importe quoi. Tellement que c'est dur cette épreuve-là. Et on demande à Allah Azza wa Jal de préserver et guérir tous ceux qui sont atteints de ce mal-là. Et ici, il y a des gens, ils sont prêts à aller voir des qui? Des sorciers, des devins, dépenser des millions. D'accord? Et ils ont oublié que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa iyyam saskallahu bidur, fala kashifalahu illahu. Si Allah fait qu'il t'arrive un mal, nul ne peut l'enlever si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il tombe dans le panneau parce que l'épreuve est trop dure. Que dire de l'Messie Ad-Dajjal quand il va venir avec ses miracles? Ou plutôt ses prodiges? Par la permission d'Allah Azza wa Jal, quand Allah va lui permettre ici de faire tomber la pluie, de ici faire sortir les récoltes de la terre, avoir ses grandes richesses, des montagnes de pain, des montagnes de ta'am, de nourriture, des montagnes de fleuves, etc. Que dire de cet événement-là et de ce moment-là? On doit apprendre à connaître Al-Masih Ad-Dajjal. Parmi les choses qui vont nous permettre de se préserver, se protéger de Al-Masih Ad-Dajjal, c'est Al-Aqidatu Sahiha. La croyance pure, authentique. C'est-à-dire d'apprendre à connaître Allah Jalla wa Ala à travers ses noms et ses attributs. Ici, tu verras que ce n'est pas possible que ça soit lui, Allah Jalla wa Ala. Que ce n'est pas possible que ça soit lui, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Que ce n'est pas possible que ça soit lui, Al-Masih, que ça soit lui, ici, Isa ibn Maryam. Donc ici, quand tu sais que, regardez, le prophète, il a dit, il est a'war, wallahu wa inna Allah laysa bi a'war. Ah, il est borne, mais Allah n'est pas borne. Ah, tu sais que Allah, il n'est pas borne. Tu connais les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Tu as une bonne croyance, ça va te permettre, bi idnillah Azza wa Jal, d'être préservé et protégé de le Messie ad-Dajjal. Parmi les moyens aussi, il y a ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a, écoutez bien, ordonné de faire. Ici, à la fin de chaque prière, بعد التشاهد قبل التسليم. Après le tashahud final, avant le taslim. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, le hadith est rapporté par Muslim, إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع فليقول, et qu'il dise, اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, lorsque l'un d'entre vous finit le tashahud, c'est-à-dire vous avez fini le dernier tashahud juste avant le taslim, qu'il dise ces quatre choses. Qu'il cherche protection, falyasta'id billah min arba', il cherche protection près d'Allah contre quatre choses. Et qu'il dise, avant de dire assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum, tu dois dire ça. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab jahannam wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min sharr fitnat al-masih ad-dajjal. Tu cherches protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre le châtiment du feu, le châtiment de la tombe, ici les troubles de la vie ou les épreuves de la vie et de la mort, et contre eux, ici le mal, contre l'épreuve du faux messie. Ça veut dire que depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, as-sahaba radiyallahu anhum wa ardam, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les compagnons, jusqu'aux musulmans au jour d'aujourd'hui, tous les musulmans doivent dire ces invocations-là. Chercher protection près d'Allah Azza wa Jalla contre le Messie ad-Dajjal. Et ici, on parle de salat. Et ici, parmi les actes d'adoration les plus importants, ici, c'est quoi? As-salat. Dans la prière. À la fin de la prière, wa kama qala alayhi salatu wassalam, innama al-a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Pour montrer l'importance des dernières actions, regardez la fin de la prière, tu cherches protection près d'Allah contre le Messie ad-Dajjal. Ce n'est pas pour rien. Jusqu'à ce que Taous, qui faisait partie des tabi'in, il a rencontré, radiyallahu anhu arda, 50 compagnons, Taous. Il ordonnait à son fils de refaire la prière quand il savait qu'il n'avait pas fait ses invocations, il n'avait pas cherché protection près d'Allah Azza wa Jal contre ces quatre choses et contre le Messie ad-Dajjal. C'est pour ça que certains gens de science, au minhum Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, ils disent que c'est obligatoire. Wajib. C'est obligatoire, d'accord? Ici, de faire cette invocation, de chercher protection près d'Allah Azza wa Jal contre ces quatre choses dans chaque prière. Ça, c'est l'avis du Sheikh al-Albani. Taous, il disait même à son fils, et c'était parmi un grand tabi'in, à son fils, tu ne l'as pas dit, refais ta prière. Pour lui, il considérait que la prière n'était pas complète s'il n'avait pas ici cherché protection près d'Allah contre ces quatre choses. Et parmi ces choses-là, la protection, wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Clair? Donc ça, c'est un moyen par laquelle ou par lequel Allah Azza wa Jal nous protégera, inshallah ta'ala, de le Messie ad-Dajjal, car on a invoqué dans nos prières, et on a demandé à Allah de nous préserver de cette fitna, ce trouble, cette tentation. Clair? Parmi les moyens aussi, pour terminer, dans un long hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, on retrouve, فَمَنْ أَدْرَكَهُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ فَمَنْ أَدْرَكَهُ أَيْ الْمَسِيحَ الدَّجَّلْ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحْ سُورَةِ الْكَهْفِ. Ici, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, que celui, donc, parmi vous, qu'il le rencontre, c'est-à-dire Al-Masih ad-Dajjal, qu'il lise en sa présence les premiers versets de Suratul Kahf. D'accord? Et le hadith, il est rapporté par Muslim. Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, arda, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من دجال عصم من الدجال. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans un autre hadith, rapporté par l'imam Muslim, quiconque retient 10 versets du début de la sourate Al-Kahf sera protégé du faux messie, c'est-à-dire de son épreuve. Et ici, dans un autre hadith aussi, il est rapporté les 10 derniers versets. Donc ici, on voit que celui qui apprend par cœur les 10 premiers versets de sourate Al-Kahf, la caverne, quand il va voir le Messie ad-Dajjal, s'il les récite, ici, il ne pourra rien, bi-idnillahi azza wa jal, contre lui. Donc à vous d'apprendre les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf. Et al-ulama, ils disent, parmi les hikam, les sagesses qu'il y a, c'est que dans Sourate Al-Kahf, ici, on parle de grands événements. Et quand on parle de le Messie Ad-Dajjal, on parle d'un grand événement. Dedans, on parle du jour de la résurrection. On parle de Dhul-Qarnayn. On parle de Ya'juj et Ma'juj. On parle de beaucoup d'événements dans Sourate Al-Kahf. Clair? Donc, à nous d'apprendre les 10 premiers versets coraniques de Sourate Al-Kahf. Parmi les choses qui vont nous aider à nous préserver et qu'Allah Azza wa Jal nous préservera de le Messie Ad-Dajjal, comme on dit les gens de science, c'est de prendre la fuite. C'est que quand tu sauras qu'il est dans un endroit, tu pars et tu prends la fuite. Et essaie de te diriger particulièrement vers où? La Mecque et Médine. D'accord? Et ça ne veut pas dire parce que tu es à la Mecque ou Médine que tu seras préservé obligatoirement. Attention. Comme il disait Salman al-Farisi, radiyallahu anhu arda, ce n'est pas la terre, d'accord, une terre sacrée, d'accord, qui va rendre une personne pieuse ou bonne ou dans la droiture, mais c'est ses actions. La personne peut entendre parler de le Messie Ad-Dajjal, même si elle est à Médine, sans que le Messie Ad-Dajjal rentre, mais lui peut sortir et aller vers le Messie Ad-Dajjal. D'accord? Mais parmi les moyens, ils disent de prendre la fuite, car tu ne pourras rien pour lui. Donc si c'est une grosse épreuve, et qu'on ne pourra rien contre lui, bien que les musulmans vont se rassembler contre l'antéchrist, contre le Messie Ad-Dajjal, quelle est la solution? Le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé ici quelle sera la solution. Et il parle de sa mort, et il dit alayhi salatu wassalam. Et le hadith, il est selon Jabir ibn Abdillah. Il rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, Al-Masih Ad-Dajjal sortira à un moment de faiblesse de la religion et d'éloignement de la science. Ah, regardez. De faiblesse de la religion et d'éloignement de quoi? Al-Ilm, la science. Et comment tu veux savoir s'il y a une faiblesse de religion et un éloignement de la science ici dans la communauté? Bah, tu regardes. Ici, qui sont présents dans les jardins du paradis? Ah, le prophète, il a parlé des jardins du paradis. Il a dit, quand quelqu'un passe devant un jardin du paradis, qu'il rentre dans ce jardin, qu'il assiste à ce jardin, qu'il s'assoit, qu'il assiste à ce cercle de science. Et il a appelé les cercles de science les jardins du paradis. Regarde dans les jardins du paradis, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Hadith wa la haraj. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Al-Masih Ad-Dajjal sortira un moment de faiblesse de la religion et d'éloignement de l'ilm, al-shar'i tab'an, c'est-à-dire la science légiférée. C'est alors que descendra Isa ibn Maryam. Alayhi salatu wassalam. Jésus. Isa ibn Maryam, il va descendre. Donc là, on avait parlé de l'Mahdi. Claire, l'Mahdi sera présent. Il va réunir les musulmans. Alhamdulillah. Ala al-haqq. Sur la vérité. Et ici, il va répandre la justice et l'équité, alors qu'il y avait l'inéquité, l'injustice qui était répandue. Mais après, il y aura le Messie Ad-Dajjal qui va venir. Et là, il y aura une grande fitna. Et il y aura de grands troubles. Et beaucoup de gens vont se faire avoir. Entre ces deux yeux, il y aura écrit pourtant, Kaf, fa, ra, ou kafir, dans une version de muslim. Voilà qu'il beaucoup de gens vont se faire avoir, et il va tuer, et il va terrasser, et il va se déplacer rapidement sur la surface de la terre, sauf la Mecque et Médine. Clair? Et 4 lieux de culte qu'on a cités tout à l'heure. Voilà qu'ici, les musulmans ne pourront rien contre lui. Et c'est à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jal va descendre. Ici, Isa ibn Maryam. Isa, ici, fils de Maryam. Et ici, quand il descendra, il criera au matin, aux gens, qu'est-ce qui vous empêche d'aller combattre son menteur ignoble? C'est un homme démoniaque, répondront-ils. Ils partiront et verront qu'il s'agit de Isa ibn Maryam. On fera l'appel à la prière et on lui dira, avance esprit émanant d'Allah. Et lui de répondre, ah, vous rappelez quand on avait parlé de le Mahdi, on avait dit que le Mahdi va prier, d'accord, et que derrière lui, il y aura Isa ibn Maryam. Et ici, le Mahdi, par respect, il va dire à Isa ibn Maryam, non, toi tu pries. Il va dire à Jésus, prie pour nous. Et Isa ibn Maryam, il voudra pas, il va dire, non, ici c'est à toi de prier, tu es l'imam. Donc ici, il va dire de prier. On fera l'appel à la prière, on lui dira, avance au esprit émanant d'Allah. Et lui de répondre, que votre imam s'avance et dirige votre prière. C'est qui l'imam? Al-Mahdi, le bien guidé, c'est-à-dire Mohammed, fils de Abdullah. Après avoir accompli la prière de Salat al-Subh. Ah, ba'd al-Salat al-Subh. Regardez les détails. Tout a été détaillé par le prophète alayhi afdal al-Salat wa azka al-Taslim. Après la prière de Subh, ils iront à sa rencontre, et lorsque le menteur le verra, d'accord, Al-Masih Ad-Dajjal, il se dissoudra tel le sel dans l'eau. Dans une version, ils auront terminé Salat al-Subh, et ici, il ordonnera que la porte s'ouvre de la mosquée. La porte de la mosquée va s'ouvrir, et là devant, il y aura qui? Al-Masih Ad-Dajjal avec son armée. Et là, Isa ibn Maryam va sortir vers lui, et va lui courir après. Al-Masih Ad-Dajjal va partir en courant, jusqu'à ce qu'il se dissout comme le sel se dissout dans l'eau. Il ira à lui et le tuera à tel point que l'arbre et la pierre Ici, crieront au esprit émanant d'Allah Azza wa Jal. Donc voici un ennemi. Ainsi, il ne laissera aucun de ceux qui le suivirent sans le tuer. Isa alayhi salam, il va descendre à cette époque-là. D'accord? Et il va prier derrière al-Mahdi. Et c'est lui qui va tuer, ici, al-Masih ud-Dajjal. Comme il est relaté dans ce hadith authentique. Donc là, on a parlé du Mahdi. On a parlé de al-Masih ud-Dajjal. Et on a vu qu'il n'y a pas besoin de divaguer. Les textes du Coran et de la Sunna sont clairs. Et là, on a parlé de la descente de Isa ibn Maryam. Maintenant, on peut passer à qui? À Isa ibn Maryam. Expliquer dans les détails la descente de Isa ibn Maryam. D'accord? À quel endroit, et on va dire, et on va expliquer ici que c'est à Dimashq, à Damas, à quel endroit précisément, et ce qui fait partie des miracles, c'est que cet endroit qui a été décrit par le prophète alayhi salatu wassalam il y a 14 siècles, n'existait pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Ou ces détails-là. Ils n'existaient pas à son époque. Et on va dire à quelle époque, ici, ils ont existé, et bi'idnillah azza wa jalla, on va rentrer dans les détails concernant al-Masih, ou concernant plutôt Isa, Ibn Maryam, ici alayhi salatu wassalam, la semaine prochaine, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.